France Musique. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Et bonjour à tous. Bonjour au public venu nombreux ce matin à France Musique. Steven Sondheim est le dieu vivant de la comédie musicale. Il est connu certes surtout pour avoir écrit les paroles de West Side Story, mais durant 8 ans, le théâtre du Châtelet, sous la houlette de Jean-Luc Chopin, a fait découvrir au grand public ses comédies musicales dont il a écrit paroles et musique, et dont la plus célèbre fut longtemps Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, rendu populaire d'abord par le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Durant 8 ans, on a pu voir, quasiment chaque année, sur scène au Châtelet, avec grand orchestre, une œuvre différente créée pour la première fois en France. Sweeney Todd, Sunday in the Park with George, inspiré de la vie du peintre français Georges Seurat, ou encore A Little Night Music, avec Lambert Wilson, d'après le film Sourire d'une nuit d'été. Autant de chefs-d'œuvre de la comédie musicale exigeant dont la musique est loin des canons et des flonflons dont on part souvent le genre de la comédie musicale. Mais voilà, le théâtre du Châtelet est maintenant fermé pour travaux et il reste des œuvres de ce géant du musical à découvrir en France. Alors la 42e rue, le rendez-vous hebdomadaire de France Musique qui se la joue un peu comme Broadway, se propose modestement de continuer ce travail. Ce matin, je vous propose de découvrir une comédie musicale que Steven Sondheim considère comme son véritable premier geste musical dans le genre de la comédie musicale. Une œuvre qu'il crée en 1970 et qui, effectivement, ouvrait une brèche et renouvelait le genre. Ça s'intitule Company et ce matin, je vous propose de découvrir cette œuvre à travers plusieurs airs, interprétée en direct au Studio 106 par de formidables artistes du théâtre musical en France qui ont répondu présent à la proposition de Stéphane Laporte à mes côtés. On peut applaudir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Non. Stéphane Laporte, adaptateur de nombreuses comédies musicales comme Le Roi Lion, par exemple, à Mogador, ou un violon sur le toit, c'était quelques années plus tôt. Car autre originalité ce matin, on va vous proposer de découvrir cette œuvre en langue française. Parce que voilà, les chansons de Steven Sondheim sont vraiment des petites scènes de théâtre, des petites scénettes, et on trouvait intéressant que les paroles puissent immédiatement être compréhensible. Mais pour débuter, pour s'immerger dans cette œuvre, Company, je vous propose de plonger dans l'histoire avec un extrait du tout premier enregistrement de 1970. Ça vous permettra de découvrir les arrangements un petit peu pop à l'époque et la troupe originale emmenée par Larry Kert et Ellen Stritch notamment. Je vous fais en quelques mots le tableau. Je vous plante le tableau en quelques mots. On ne sait pas si on est dans la tête de Bobby alors que le téléphone sonne chez lui ou dans son appartement. En tout cas, en ce jour de son 35e anniversaire, ses amis semblent réunis. Ce sont 5 couples, mariés pour le meilleur et pour le pire. Lui, Bobby, est célibataire et ces couples commencent à s'inquiéter. Voilà, ne serait-il pas temps que tu te maries ? Et voilà une chanson ironique, puisque là, maintenant, ces couples, dont on va découvrir qu'ils ne sont pas forcément idylliques, se prennent par la main dans un numéro qui semble tout droit sorti d'une revue. Cette chanson s'intitule « Side by Side ». I mean, when you've got friends like mine. Isn't it warm? Isn't it rosy? Side by side. He's such a cutie. By side. Isn't he a cutie? Ports in a storm. Comfy and cozy. Side by side. He never loses his cool. By side. I envy that. Everything shines. How sweet. Side by side. So by side. Parallel lines who meet. Love him, can't get enough of him. Everyone winks, nobody's nosy. Side by side. He is just crazy about me. By side. He's a very tender guy. You make the drinks and I'll bring the posy. Side by side. He's always there when you need him. By side. One is lonely and two is boring. Oh. Think what you can keep ignoring. Side. He's my best friend. By what? Side. I mean next to my by husband. By side. And he seems to stay exactly the same. Sharing a tear, bending a shoulder. You know what comes to my mind every time I see him? But what? The Seagram's building. Isn't that funny? Ain't we got fun? No strain. You know, sometimes I catch him looking and looking. I just look right back. Permanent sun, no rain. Friendship forbids anything bitter. A person like Bob doesn't have the good things, and he doesn't have the bad things, but he doesn't have the good things. Being the kids as well as the sitter. Let me make him a drink. Yeah. He's the one guy I know I feel should drink more. One's impossible, two is dreary, three is comfortable. Funny, safe and cheery side. He always looks like he's keeping by score. Side. Who's winning, Robert? Here is the church. Here is the steeple. Open the door and see all the crazy married people. What would we do without you? How would we ever get through? What would we do without you? How would we ever get through? Should there be a marital squabble, available Bobble be there with the glue. Who could we open up to? Secrets we keep from guess who? Who is so safe and who is so sound? You never need an analyst with Bobby around. How would we ever get through? What would we do without you? You, ooh, how would we ever get through? Ooh, who sends anniversary wishes? Who helps with the dishes and never says boo? Who changes subjects on cue? Who cheers us up when we're blue? Who is a flirt but never a threat? Reminds us of our birthdays, which we always forget. How would we ever get through? Yeah. would we ever get? How would we ever get? How would we ever get through? What would we do without you? Just what you usually do. Right! You sing with us, you share with us, you think with us, you bear with us, you. Okay now, everybody! Isn't it warm? Isn't it rosy? Side by side. Chanson ironique de Stephen Sondheim dans cette comédie musicale qui s'intitule Company. Je dis ironique parce que voilà, on a vu une revue avec des couples qui ne marchent pas vraiment, mais qui offrent une revue à Bobby pour lui vanter les avantages du mariage. Une chanson extraite de Company avec la troupe originale en 1970, emmenée par Ellen Stritch et Donna McKechnie sous la direction musicale de Harold Hastings et les orchestrations de Jonathan Tonique. Company, cette comédie musicale de Stephen Sondheim, tourne autour d'un célibataire de 35 ans. Il s'appelle Bobby et pour son anniversaire, dans un décor moderne d'immeubles en verre et acier, il semble que ses amis l'attendent en cachette chez lui avec un gâteau d'anniversaire. 5 couples qui voudraient que Bobby suive leur chemin et se marie. Au cours de la comédie musicale, Bobby va visiter ces différents couples et découvrir que leur vie à deux n'est pas toujours si rose. Premier couple visité, Harry et Sarah. Alors, lui a un problème avec l'alcool et elle apprend le karaté. Leur relation semble par moments sadomaso et au moment où elle cloue au tapis son mari, une amie de Bobby apparaît et commente la scène qui vient de se dérouler. Une chanson intitulée en anglais « The Little Things We Do Together », adaptée en français par Stéphane Laporte, sous le titre « Les petits riens qu'on fait tous les deux ». Au piano et à la direction musicale ce matin, Thierry Boulanger. Et pour ouvrir le bal, c'est Cathy Arondel, comédienne, danseuse, chorégraphe, qui interprète cette chanson. Cathy, qu'on a vue cette saison, notamment dans la comédie musicale Oliver Twist et Les Liaisons dangereuses. Voici Les petits riens qu'on fait tous les deux. Premier extrait de Company, la comédie musicale de Stephen Sondheim. Dans les petits riens qu'on fait tous les deux, fait tous les deux. Fait tous les deux, on trouve les clés du vrai bonheur. Les fringues que l'on met tous les deux, charges que l'on paie tous les deux, vices que l'on tait tous les deux, rapproche mari et femme. Dans les petits riens qu'on croit tous les deux, doit tous les deux, boit tous les deux, on trouve les clés du vrai bonheur. Les clous que l'on conduit tous les deux, ex que l'on ennuie tous les deux, gosses que l'on détruit tous les deux, rapproche mari et femme. Mais oui, c'est chouette le mariage quand on est deux à la barre. Mais oui, c'est chouette le mariage, et nom de Dieu, qu'est-ce qu'on se marre. C'est partager les vœux tous les deux, jeux tous les deux, bleu tous les deux, qui soude mari et femme. Les bruits que l'on répand tous les deux, pièges que l'on tend tous les deux, soirs où l'on se ment tous les deux, ce sont les clés du vrai bonheur. Ce n'est ni la foi ni la psychanalyse qui part au coup dur de la vie. C'est moi, oui, et toi, non, et tu me les brises. Et va voir ailleurs si j'y suis. Tous ces petits riens, ces petits, petits, petits, petits, petits riens, dans les mots qu'on dit tous les deux, ni tous les deux, crient tous les deux. On trouve les clés du vrai bonheur. Vieillir au coin du feu tous les deux. Perdre ses cheveux tous les deux. Devenir gâte tous les deux. Rapproche mari et femme. Mais oui, c'est chouette le mariage. Tentez le coup par vous-même. Mais oui, c'est chouette le mariage. J'en suis au 4e ou 5e. Ces gens que l'on séduit tous les deux, suis tous les deux, fuis tous les deux. Rapproche mari et femme. C'est perdre son amour tous les deux. Crier comme un sourd tous les deux. Divorcer un jour tous les deux. Qui sont les clés du vrai bonheur? Katia Arundel, un premier extrait en version française de Company, la comédie musicale Puzzle de Stephen Sondheim. Katia Arundel qu'on retrouvera cet été dans une délicieuse comédie musicale de Raphaël Calandreau qui s'intitule Fausse Moustache. Et figurez-vous que ça se déroule autour d'une histoire de campagne électorale. Mais bon, je n'en dirai pas plus en ce jour d'élection. Ça sera à découvrir en tout cas au Festival Off à Avignon. Stéphane Laporte. Oui, Laurent. Expliquez-moi pourquoi cette passion pour cette comédie musicale de Stephen Sondheim et pourquoi avoir eu envie de l'adapter en français. C'est votre idée d'avoir initié pour nous ce cabaret 42e rue aujourd'hui. C'est la première que j'ai vue aux États-Unis et je me suis dit que c'était un absolu, qu'on pouvait pas faire mieux. Et ce qui me sidère tout à l'heure, j'en parlais avec les coquettes, ce qui m'étonne toujours, c'est de constater à quel point un compositeur a pu, dans le cadre d'un seul spectacle, en quelques mois, écrire autant de chefs-d'œuvre. Et dans Company, pour moi, il y a 14 chansons, il y a 14 choses vraiment exceptionnelles. Et j'avais pas le choix à l'époque, je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais vous l'avez fait pour vous amuser, quoi. Un peu. Ouais, c'est ça? Oui. C'est ça, exactement. C'est pas très facile, hein, quand même, d'adapter Stephen Sondheim. On sait très bien que. Là, c'est un peu une expérience qu'on fait ce matin. On en parlera tout à l'heure avec Angélique Rivou, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont essayé d'adapter en français Stephen Sondheim. Mais le phrasé de Sondheim est très compliqué. C'est très particulier, oui. La prosodie, non? Ah, c'est terrible. Et puis, il adore s'amuser avec les mots. Il y a beaucoup de rimes internes et Company, c'est vraiment l'exemple de ça. C'est la première fois qu'on a constaté à quel point il était virtuose, parce que dans West Side Story, il avait 25 ans quand il a écrit les paroles. Elles sont exceptionnelles, évidemment, mais il n'y avait pas ce côté virtuose qu'on peut retrouver dans Company, puis après dans Follies et Little Night Music. Et oui, c'est un peu une tannée à traduire, oui. Par exemple, cette chanson qu'on vient d'entendre, The Little Things We Do. C'est pas la plus compliquée. C'est pas la plus compliquée. Non, elle est assez simple. Et d'ailleurs, Sondheim a, Dieu merci, beaucoup écrit sur sa propre écriture. Donc c'est quand même bien, avant de s'amuser à adapter quoi que ce soit, de se pencher sur la façon dont il a envisagé la chose lui-même. Vous l'avez vu où et quand, enfin la première fois? C'était à Los Angeles par une troupe plus ou moins amateur. Et voilà, je me suis dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors c'était talentueux, il y avait des belles chansons, mais sinon c'était quoi? C'était ce que ça racontait qui vous plaisait? C'était la façon c'est ce qu'on a appelé le premier concept musical, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'intrigue et la musique sont intégrées de façon aussi étroite. Et du coup, c'était la première fois que je voyais sur scène un livret qui servait l'intrigue et la musique et vice-versa. Je crois que à l'époque c'était rare, et après ça s'est répandu un petit peu plus, mais à l'époque je crois que c'était l'un des tout premiers à le faire. Alors Company, c'est une révolution en 1970, comme vous dites, parce que c'est une des premières comédies musicales concept. Et en fait, à l'origine, c'est un recueil de nouvelles de George Force. Des histoires comme ça de couples mariés ou divorcés. Et C'est un ami, en fait, George First, de Stephen Sondheim, qui avait envie d'en faire quelque chose. Et tous les deux sont allés voir Harold Prince, qui était le producteur de West Side Story, et qui avait de très, très bonnes idées dans le théâtre musical. C'est lui, notamment, qui a produit Un violon sur le toit. Et Al Prince leur a dit, mais vous avez qu'à, justement, en faire une comédie musicale. Et c'était très compliqué pour eux. Ils se demandaient comment pouvoir faire ça. Et l'idée, donc, ça a été de faire une sorte de comédie musicale, j'allais dire cubiste, puzzle, je disais tout à l'heure, puisque finalement, on va se retrouver. Ils ont réussi avec ces histoires qui, parlaient de couples différents, de finalement créer une histoire avec simplement 5 couples qu'on retrouve tout au long de la comédie musicale, qui parle à Bobby, c'est le héros, et finalement. Je dis que c'est cubiste parce qu'effectivement, à chaque fois, on a une nouvelle facette qui apparaît dans du couple. Du couple. Mmh. Et au milieu, effectivement, Bobby, qui est un peu le pivot de toute cette histoire. Alors, on va découvrir un autre moment, une deuxième chanson, parce que il y a les 5 couples et puis il y a les petites amies, il faut bien le dire. Les trois petites amies de Bobby. Robert est donc héros célibataire. Il vient de visiter un autre couple d'amis, Jenny et David, qui sont en train de fumer des joints. On est dans les années 70, elle est un peu coincée. Et puis voilà, ils se décoincent avec les joints notamment. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de poser au bout d'un moment la question qui fâche à Robert. Pourquoi toi aussi tu ne te maries pas? Alors Robert, lui, n'a pas forcément fumé, mais il répond un petit peu benoîtement, ben non, je n'ai rien contre le mariage. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent quelque part 3 femmes, ces 3 petites amies. Dans une chanson à la Andrew Sisters, et elles se moquent évidemment de leur refus de s'engager. Pour interpréter cette chanson, on n'a pas trouvé mieux qu'un trio girly qui vient de faire l'Olympia, que vous connaissez bien sur la 42e rue, parce qu'on les a reçus en décembre dernier. 3 comédiennes issues de la comédie musicale, Lola Sess, Juliette Faucon, Marie Facundo, qu'on connaît surtout sous le nom des Coquettes. Le morceau s'intitule en anglais « You could drive a person crazy » et en français « Tu pourrais me rendre dingue ». Au piano, Thierry Boulanger. Tu pourrais me rendre dingue, tu pourrais me rendre braque. Tout d'abord tu fais du cringue, jusqu'au jour où moi je craque. Puis soudain je me retrouve sans toi, et mise au coin, ce qui fait que je me ronge. Quand toi, tu es déjà loin, je supporterai peut-être que tu dragues mes amis. Je supporterai peut-être que tu vires ta cutie. Bou bou bou bou, oui, mais le type, non, c'est le type d'être tout à vous, puis de vous prendre en grippe. Et dingue, il a tout d'un monstre, il a vraiment tout d'un dingue lui-même. Bonne héros, pauvre type, bonnard. Une fille qui s'attache pour de bon, un homme attend de lui qu'il sache quoi faire. Et moi, pour une fois que je dis pas non à un homme, j'aimerais que cet homme se bouge le derrière. Tu vois, ce qui me gêne et qui m'irrite le plus, c'est de trouver quelqu'un qui me touche. Et voir que ce quelqu'un, ce qui l'excite le plus, c'est d'arracher les ailes des mouches. Toc toc, je crois qu'il n'y a personne. Toc toc, le mal que je me donne. Toc toc, un autre aurait compris. Toc toc, ce mec est un zombie. Tous ces grands épanchements, qu'est-ce qui cloche? Va revoir tes branchements, c'est moche, oh oui c'est moche. Bobby Bobby Bobby Bobby Bobby, oui tu pourrais me rendre cher, tu pourrais me rendre nonne. Je commence avec le corps en fièvre, pour finir comme une conne. Quand chez toi je viens me plaindre, bon Dieu, quel comédien. Tu sais prendre forme humaine, bien mieux qu'un zombie moyen. Je supporterai peut-être que ça foire sous la couette. Je supporterai peut-être que l'on casse les assiettes. Toudou, toudou, autour de toi, autour de toi. Chapeau à qui saura faire un bouton de toi. Ce dingue, ce garçon de rêve, ce voleur de quelques mois de ma vie, psychopathe et ravi, bon à boucler. Toi-même, toi-même, toi-même. Bobby est mon hobby et il est temps que ça cesse. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et les coquettes, Lola Feff, Marie Facundo, Juliette Faucon. Dans cet extrait de la comédie musicale Compagnie de Stephen Sondheim en version française, les coquettes qu'on retrouve au Grand Point Virgule du mercredi au samedi et qui seront en tournée également en 2018. Et maintenant, bah, on va le rencontrer quand même, ce célibataire de 35 ans, Bobby, cynique, qui est peut-être à cette époque un autoportrait de Stephen Sondheim, qui a à peu près le même âge, il faut bien le dire. Voilà, la découverte de la vie en couple de ses amis, on peut le dire, ne le convainc pas tant que ça. Et à la fin du premier acte, il doit faire un vœu pour, en soufflant, voilà, les bougies de son gâteau d'anniversaire. C'est le titre de cette chanson, le vœu. Marry me a little. Une sorte de concession. Vous l'avez traduit comment, Stéphane Laporte ? Marions-nous, mais pas trop. Gaëtan Borgue, interprète Bobby. Gaëtan, vous le connaissez, c'est le co-auteur de 31, la comédie musicale, avec Stéphane Laporte et Stéphane Corbin, actuellement au studio des Champs-Élysées, et qui, l'an prochain, incarnera quand même Guy dans la reprise des Parapluies de Cherbourg. Mais c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus romantique, j'allais dire. Marions-nous, mais pas trop, n'est-ce pas, Gaëtan Borgue ? Marions-nous, mais pas trop, lions-nous juste assez, chaud, aimable et tendre, joue mais sans brusquer, à chacun sa place, à chacun sa vie. Qu'il en soit toujours ainsi. Rejoins-moi, marions-nous, mais pas trop. Dis oui de plein gré. Forme deux, trois souhaits que je pourrais combler. Songe à moi surtout, mais songe aux autres aussi. Qu'il en soit toujours ainsi. Rejoins-moi, rejoins-moi vite. Je serai ton bras droit. Nous aurons nos dissensions, elles vont de soi. Fouillons mais à peine, livrons mais si peu, sans rien qu'il nous faille abdiquer. Nous resterons deux. Dac, I love you. Rejoins-moi, rejoins-moi vite, quelqu'un. Marions-nous, mais pas trop, lions-nous juste assez. Chaud, aimable et tendre, loin de tout danger. À chacun sa place, à chacun sa vie. Qu'il en soit toujours ainsi. Rejoins-moi, marions-nous, mais pas trop, presque corps et âme. Volcanique, oui, mais sans retour de flamme. Bien avant les autres, tiens-moi compagnie. Qu'il en soit toujours ainsi. Rejoins-moi, rejoins-moi vite. L'un et l'autre attentifs, l'un et l'autre discrets. Ni venin, ni jeu mesquin, jamais, jamais. Tissons un cocon paisible et moelleux. Promis, quels que soient tes serments, je ferme les yeux. Dac, alors viens, rejoins-moi, rejoins-moi vite. Quelqu'un, rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. Rejoins-moi. Marions-nous, mais pas trop. Gaëtan Borgue en direct sur France Musique. Un nouvel extrait de cette comédie musicale de Stephen Sondheim Company, composée en 1970. Je crois qu'on peut dire que l'une des originalités de Company tient en sa musique. On est 2 ans après la création de Hair. Voilà, les comédies musicales traditionnelles avec orchestre, cuivre, piano, harpe commencent à être concurrencées par un nouveau son. Et Sondheim choisit un son lui aussi différent. Bonjour Thierry Boulanger. Bonjour Laurent. Merci d'être là et de jouer le directeur musical ce matin. Merci à vous. C'est très bossa nova en fait, cette partition de Company, on a l'impression. C'est quoi les influences de Company? Oui, musical. Effectivement, il y a une bossa de... je pense que le Sondheim, ce qui moi me plaît chez lui, c'est que justement il est un petit peu sur sa planète et que si justement il a envie de faire une bossa, il s'en prive pas. Mais il y a une couleur, il est presque français comme compositeur. Il y a un peu de Darius Milhaud, il y a du Debussy chez lui. C'est-à-dire que c'est des mélodies très fluides avec en dessous des petites notes qu'on perçoit pas forcément, mais c'est ce que j'appelle un peu les petites notes qui font plaisir, les petites dissonances comme ça. Et je saurais même pas le définir. Je trouve que c'est une vraie planète Sondheim qu'on reconnaît tout de suite. Là, la partition, on entendait tout à l'heure, et je voulais faire entendre aux auditeurs l'orchestration originale. Elle est, je vais pas dire qu'elle était un peu rock, mais elle était quand même très contemporaine en 1970. Hein. Oui, il y a aussi une écriture de Sondheim qui correspond vraiment aux années 70, qui a été validée par Jonathan Tunick et qui aussi est très 70. Mais je pense que c'est lié aussi à l'époque. Ça se trouve, il écrirait ça aujourd'hui. Je pense que l'orchestration serait un peu différente. Thierry Boulanger, vous avez aussi été directeur musical d'autres comédies musicales, il me semble, de Stephen Sondheim. En tout cas, vous connaissez bien ce compositeur. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres compositeurs de comédies musicales? Voilà, la question qui fâche. Qu'est-ce qu'il a de plus? Moi, je trouve que déjà, le fait qu'on l'identifie... Enfin, l'identité, la signature de quelqu'un, c'est quelque chose d'énorme. Et je trouve que lui, quand je dis que c'est une planète, c'est vraiment pas... pour moi c'est comme Poulenc, je le rattache à des compositeurs dont on entend au bout de 3 mesures que c'est eux. Et surtout, il fait partie des rares compositeurs à écrire aussi, c'est-à-dire comme Cole Porter, comme Jerry Herman. Et je trouve que dans l'écriture, on entend cette espèce de fluidité, forcément, qu'il y a entre l'auteur et le ping-pong. Il se fait très très vite justement entre l'auteur et le compositeur. Et je trouve que la brillance de l'écriture tient aussi beaucoup à ça. Alors on va écouter un autre extrait de Company, un autre flot de gens. Mais est-ce que c'est du Ravel pour vous, ça? Du Ravel. En tant que pianiste, oui. C'est un marathon, ça. Celui-ci et celle qui vient, là, c'est voilà. C'est écrit, mais c'est très écrit. Une partie des chansons, j'allais dire, peut se réduire en grille. C'est-à-dire, vous pouvez faire un peu votre interprétation. Mais là, on a un petit peu envie. Il y a des contre-chants, il y a de l'orchestration. En fait, là, quand j'accompagne Sondheim, je joue de l'orchestre un peu. Parce qu'il y a des sons, il y a des horizontalités, des verticalités, et il faut rendre tout. C'est partie de la richesse de cette musique. Bon, je vous laisse vous diriger vers votre prochain marathon, c'est ça, voilà. C'est un très beau moment que va interpréter Claire Perrault. Voilà, on a compris, Bobby est un homme à femme, il en a 3. Et là, par exemple, c'est une chanson où il a rendez-vous successivement dans un petit parc avec ses 3 femmes, 3 rendez-vous successifs. Et une jeune femme qui vient pour un petit peu commenter, c'est un peu le leitmotiv de cette comédie musicale, des commentaires sur ce qui se passe. Et cette jeune femme qui commente ces rencontres que fait Bobby dans un parc, eh bien, elle évoque aussi du coup la ville de New York, la solitude, la ville pleine de monde, très sale, très dure et pourtant formidable. Claire Perrault, vous la connaissez, elle incarnait une formidable Sally Bowles dans Cabaret. Elle interprète cette chanson, ça s'intitule en anglais Another 100 People. Et cher Stéphane Laporte, vous l'avez traduit comment? Un autre flot de gens. Comment? Parce que le micro n'était pas ouvert, c'est pour ça. Allez-y, dites-le. Un autre flot de gens. Claire articule mieux que moi. De gens à la sortie du métro se déverse une gare, pendant qu'un autre flot de gens vient de descendre du train en suivant du regard. Tout un autre flot de gens qui passent entre les autos et regardent de loin, nous les gens du métro, des autos et du train, à toute heure du jour. C'est la ville qui mélange ceux de 10 ans, ceux d'un jour. La ville qui mélange ceux qui visitent, ceux qui courent. Et tous les jours, tous ceux qui courent, ils se rencontrent dans de mornes squares, aux pelouses anciennes. attend des rues passantes, près de vues passables qu'ils regardent à peine. Et ils longent ensemble des façades glauques aux affiches obscènes. Et ils vont dîner chez les amis d'amis qu'ils n'ont jamais vus. Est-ce qu'on prend du vin? Est-ce qu'il vaut mieux des fleurs? Ou est-ce qu'on n'y va plus? Mon planning est tel, je ne peux rien prévoir. Je pourrais te retrouver s'il ne pleut pas ce soir. Soit on fait comme on a dit, soit on s'appelle un peu plus tard. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. C'est la ville qui mélange ceux de 10 ans, ceux d'un jour. La ville qui mélange ceux qui visitent, ceux qui courent. Et jusqu'au jour du grand retour, tous ils se rencontrent dans de mornes squares aux pelouses anciennes, dans des rues passantes près de vues passables qu'ils regardent à peine. Et ils longent ensemble des façades glauques aux affiches obscènes. Et ils vont dîner chez les amis d'amis qu'ils n'ont jamais vus. Est-ce qu'on prend du vin? Est-ce qu'il vaut mieux des fleurs? Ou est-ce qu'on n'y va plus? Mon planning est tel, je ne peux rien prévoir. Je pourrais te retrouver s'il ne pleut pas ce soir. Soit on fait comme on a dit, soit on s'appelle un peu plus tard. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. Et un autre flot de gens s'est déversé d'une gare. Un autre flot de gens. Adaptation française d'une chanson de Compagnie, la comédie musicale de Stephen Sondheim, Another 100 People, par Claire Perrault, qui sera à Montréal cet été au festival Juste pour rire, dans un spectacle musical écrit par Stéphane Laporte qui s'intitule Naestro. Ce matin, la 42e rue de France Musique vous fait découvrir en direct une brillante comédie musicale ironique de Stephen Sondheim. Compagnie, on l'a compris, les tribulations d'un célibataire endurci de 35 ans que ses amis mariés poussent à franchir le pas. Stephen Sondheim, c'est aussi sa particularité, adore faire de chacune de ses chansons une petite scénette. Il a appris auprès de son mentor, Oscar Hammerstein, l'un des grands auteurs de Broadway, on lui donne notamment la mélodie du bonheur. Il a appris que la situation des personnages devait évoluer entre le début et la fin d'une chanson. Voici un exemple de scénette à 3 personnages. C'est un autre couple, Amy, catholique fervente, Paul, juif, ils s'aiment plus que tout, mais voici que le moment venu du mariage à l'église, elle craque. Mais j'ai pas besoin de vous en dire plus parce que tout est dans la chanson. Angélique Rivoux, qu'on a aimé dans Titanic notamment et Chantons sous la pluie, interprète Amy. Olivier Bretman, le très méchant Scar du Roi Lion à Mogador, est le futur marié Paul. Et Isaa Fleur, artiste lyrique au talent multiple, interprète à l'église quelques pastiches ecclésiastique. À l'heure de la messe, je vous propose sur France Musique I'm not getting married today. Personne ne se marie, au piano Thierry Boulanger. Mes chaussures. Ce jour est pour Amy. Amy, je t'offre mon corps et mon âme, et sur ma vie entière que règne ta lumière. Ce jour est pour Amy. Bientôt tu vas être ma femme. Amy, on va vraiment se marier. pardon, est-ce que tout le monde est là? Parce que si tout le monde est là, je veux vous dire un grand merci d'être venu. Et maintenant, si vous pouviez rentrer chez vous, ne me dites pas que vous n'avez rien d'autre à faire, et surtout pas à moi, Paul. Vous savez bien le pauvre type que j'épouse, à part que non, parce qu'il est bien trop formidable pour finir collé à moi. Mais je vous dis merci pour le riz et les roses. Oui, merci, j'ai les pieds qui implosent. C'est vache pour Paul, mais personne ne se marie. Amen. Sur la commode, à côté de mon testament. Écoutez-moi tous, il faudra bien que vous sachiez que le mariage est tout au plus un rituel préhistorique où tout le monde se promet fidélité jusqu'à la fin, qui est sans doute l'un des mots les plus affreux que je connaisse et qui débouche sur le jour où tout à coup il comprendra qu'il est coincé près d'une dingue et me tuera dans mon sommeil. Merci à tous, mais personne ne se marie. On dit pouce et personne ne se marie. Vous êtes chou, mais personne ne se marie. Dites-vous que personne ne se marie. C'est vache pour Paul, mais personne ne se marie. Amen. Tous filez tous, allez oust et dépêchez-vous, sans quoi j'en prends trois pour taper sur tous les autres. Finissez la journée au café ou rentrez chez vous, tant pis pour Bibi, c'est ma vie et pas la vôtre. Est-ce qu'il se pourrait que vous n'ayez pas tout compris ou voulez-vous absolument voir une folle en pleine effort? C'est sûr qu'il n'y a pas que Paul qui va gâcher sa vie entière parce que nos deux identités vont fusionner. J'ai mon psy au téléphone, il veut me voir lundi prochain pour en parler, mais moi lundi je flotterai les ventres à l'air dans les égouts. Alors c'est bien dommage, mais personne ne se marie. Je dégage, mais personne ne se marie. J'ai bien ri, mais personne ne saurait. Maman, merci, mais personne ne se marie. C'est vache pour Paul, mais personne ne se marie. Amen. Ce jour est pour elle. Vous n'avez rien à faire ici, ce zèle est mon belle. Je vous aime tous, mes bons. Si je meurs, mon meilleur dans le cœur. Commentaire ici, à quoi servira un sac de cotillon? Je ne vous dis pas de part à l'annoncer, mais je sens poivre les fatigues et je pourrais me trouver mal si cela doit vous abuser. Ne bougez pas de vos pieds, vous n'aurez qu'à me regarder pour une franche rigolade. Alors merci pour les visites de sous de plat et les matières à soupe et les 30 minutes. Ma peur et l'espoir, mes serviettes. Mais personne ne se marie. Amen. Non, personne ne se marie. Amen. Que personne ne se marie. Amen. Toi et moi. Non, personne ne se marie. Amen. J'ai bien peur que personne ne se marie. Amen. Amen. Amen. 42e rue sur France Musique. Laurent Vallière. Personne ne se marie. Merci à Olivier Bretman. Actuellement dans le portrait de Dorian Gray de Thomas Le Douarec au Théâtre Artistique. Merci à Isa Fleur qui a reçu cette année le prestigieux prix Maurice Yvain de la SACD qui est en train d'écrire son prochain seul en scène. Et puis merci à vous, Angélique Rivoux. Bonjour. Bonjour Laurent et merci à vous. Quel débit. Oui, on c'est énorme. Il y a combien de mots à la minute? On ne sait pas, c'est une mitraillette. Oui, on n'a pas chronométré, non. Alors, vous préparez votre prochain seul en scène, écrit et mis en scène par Emmanuel Lenormand. Ça s'appelle Mal de mer. Et je dois dire que l'idée de ce cabaret, 42e rue, Angélique, avec une version française de Stéphane Laporte, de chansons de Stephen Sondheim, doit tout à quelqu'un qui était important, qui s'appelle René Ripper. En 2003, ce fan de comédie musicale avait lancé des soirées autour de la comédie musicale, aux Zèbres, à Belleville. Et notamment, il avait eu l'audace de créer une soirée autour de Stephen Sondheim en langue française, avec des adaptations de chansons par vous, Stéphane Laporte, mais aussi par Alain Marcel. Mmh. Et c'est comme ça que moi j'avais découvert ce numéro absolument délirant, que vous interprétiez donc ça, déjà à l'époque. C'était qui, René Ripper? Et comment elle était née, cette soirée, en fait? Et de la passion de René, en effet. Ça s'appelait Musical Friends et ça portait son nom. Mmh. Oui, donc il avait cette énergie de rassembler les troupes. Et puis moi, je débarquais, ça ne faisait pas très longtemps que j'étais en France. Et donc voilà, cette soirée entre amis, c'était vraiment ça parce que je venais de travailler avec Stéphane sur Titanic un an auparavant. Et donc voilà, c'était moi je ne savais pas encore trop qui était Sondheim. Je pense que mais en 2003, il n'était pas très connu, enfin à part quelques grands spécialistes comme Renaud Machard ou alors Alain Resnais, le réalisateur. Mais c'est vrai qu'en France, jusqu'à ce que Chopin monte ses œuvres, on le connaissait pas. Ouais. Absolument. Donc oui, c'était très audacieux de la part de René et c'était juste magique, voilà, déjà d'interpréter ça et c'était un bonheur pour moi et c'est de nouveau un bonheur aujourd'hui. Bon, on répète comment un débit pareil pour chanter une chanson avec un tel texte? Eh bien, on bosse. Avec un crayon dans la bouche ou un truc comme ça? Voilà, c'est ça, on bosse. On demande à sa fille, ça va, tu me comprends? Pardon? Il y en a une lumière sur la tête. Non, oui, c'est vrai que ça... Et on ne réfléchit pas. Parce que si on réfléchit, on n'y va pas. En tout cas, merci beaucoup, Angélique Rivou. Alors maintenant, voici un autre moment ironique dans Compagnie et une autre scénette. Robert, donc, toujours le même, parce qu'il s'appelle des fois Robbie, Bobby, enfin voilà, il a différents noms dans la pièce, à l'acte, avec une de ses trois petites amies. Alors, elle s'appelle April dans la pièce. April, mais, oui, qui veut dire vous, avril en anglais. Et vous l'avez appelée comment? Je l'ai appelée Mona. D'accord. Oui, parce qu'il y a un petit jeu de mots, en fait, il se rend compte qu'il est demi-réveillé et il essaie de lui faire croire qu'elle est très particulière, très rare dans sa vie, mais en fait, il l'appelle June. Alors qu'elle s'appelle April, donc elle le prend un petit peu mal et je voulais trouver quelque chose qui fasse qu'on puisse faire la confusion en français. Du coup, il l'appelle Lisa au lieu de l'appeler Mona. D'accord, très bien. Alors donc, elle est hôtesse de l'air et elle avoue elle-même qu'elle est un peu idiote. Voilà. Il la ramène ce soir chez lui. Ce qui n'est pas le cas de toutes les hôtesses de l'air, je m'empresse de le préciser. Tout à fait. Mais c'est elle. Très bien. C'est elle qui le dit d'elle-même, en fait. Il la ramène ce soir chez lui et puis le reste, bah, je vous laisse voir. Comment dire? On est au petit matin. Et puis le réveil sonne. Vanessa Cayol est donc Mona. Gaëtan Borg est donc Robert. Au piano, Thierry Boulanger. Et au réveil, Thierry Boulanger. Où tu vas là? Barcelona. Un. Reste au lit. Il le faut dire. Il le faut, oui. Hein? Reste au lit. Tu m'en veux là. Oh mais non. Oh mais si. Oh mais non. C'est trop bête quoi. Tu m'en veux, va. Oh mais non. Oh mais si. Oh mais non. C'est trop chouette quoi. Reviens. J'y vais là. Non. Tant pis pour. Viens. J'ai un avion. Mais oui. Pour Barcelona. Tu sais, tu es quelqu'un de rare. Pas que pour une nuit. Tu es vraiment quelqu'un de rare. Et pas pour ton esprit. Pas juste pour ton esprit. Tu es vraiment quelqu'un de rare, Lisa. Mona. Mona. Merci. Où es-tu là? Barcelona. Ah. Porte 20. Reste un peu, dit. J'ai bien peur que... Quoi? Pas moyen. Reste un peu, dit. Non, je peux pas. Si tu peux. Non, je peux pas. Où tu vas là? Barcelona. Oui, c'est vrai. Et ensuite? Bon voyage. Guatemala. Au revoir. Tu m'en veux? Non. Après, je... Pas? Oui, mais je... Bon. Tu sais, je crois que s'il n'y avait que moi. Barcelona, Gaëtan Borg et Vanessa Cayol que vous avez certainement apprécié dans Cats au Théâtre Mogador et qui sera doublement à Avignon cet été dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est à 19h25, figurez-vous, au Petit Louvre. Et à 15h10, en matinée, elle jouera dans La Dame de chez Maxim's de Georges Feydeau, revisité par Johanna Boyer en spectacle un peu musical, un spectacle qu'on pourra découvrir au Théâtre 13 à la rentrée. Alors voilà, Compagnie, vous l'avez compris, c'est une réflexion sur le couple, sur le mariage, sur l'amour. Et celle qui renverse la table à la fin de l'histoire, dans un club, est une amie de Robert, peut-être un peu plus âgée que les autres, sauf mon respect, elle en est à son troisième mari, je crois. Elle accompagne son mari en boîte de nuit alors qu'il danse sur la piste. Eh bien, elle se retrouve seule avec Robert. Et puis voilà, elle boit. Elle se confie. Elle lui fera même une avance. Et soudain, voilà qu'elle se lève et qu'elle lève son verre. En 70, c'était l'ébouriffante Helen Stritch, pleine de verve, qui incarnait Johanna. Ce matin, c'est Valérie Zakomer, qu'on a beaucoup aimée dans la comédie musicale 31, actuellement au studio des Champs-Élysées, qui incarne ce personnage légèrement imbibé. The Ladies Who Lunch, traduit en français par Stéphane Laporte, aux dames qui brunchent. Au piano, Thierry Boulanger. Je voudrais porter un toast aux dames qui brunchent entre elles. Tout le monde se marre. À midi, on part déjeuner chez Castel, dans sa chère Jaguar. On va au sport, travail de forçat de 4 à 5. Et puis chez Dior, un tour chez Dior, ça... Ça vous requinque. Un chapeau, c'est fou ce que ça requinque. Allez, on trinque à celle qui reste à la page. Ça c'est le summum. Courent les symposiums sur le haut Moyen-Âge pour y faire un somme. Les jours s'écoulent à s'ennuyer, rythmés de tas de calmants, à endurer du découflé ou bien du Brecht en allemand. Allez, on trinque! Et à la tienne, Berthold. À celles qui tiennent leur foyer, ça c'est épatant. En astiquant, elle regarde la télé pour être au courant. Toutes celles qu'un rien préoccupe, les gosses, les cuivres ou leurs jupes, trop prises pour savoir qu'elles sont dupes. Ça c'est du tonnerre. Je leur lève mon verre. Celle qui observe sans rien dire, ça c'est le pompon. Noie leur dépression sous des litres de kir et de dérision. Si quand elle rit, on voit leur croc, au fond de quoi se moque-t-elle? De trop d'années sans dire un mot, de trop de vodka cocktail. Ah, allez, on trinque. À celles qui savent faire dès l'aurore, tout le monde rêve. Quand le jour s'achève, une idée les dévore, tout le monde crève. Je trinque à ce troupeau éternel, trésor de sélection naturelle. Un banc pour celles qui brunchent entre elles. Tout le monde se lève, se lève, se lève, se lève. au lunch, chanson mythique de Company, la comédie musicale, interprétée par Valérie Zakomer, actuellement à l'affiche au studio des Champs-Élysées avec 31 et en tournée, je crois, à partir de janvier, oui, c'est ça exactement. 2018 2018, de janvier à mai 2018, oui. Avec 31 dans toute la France. On referme ce cabaret 42e rue. Et à San Francisco. Oui. Mais je crois que c'est une blague. Non. On part 10 jours à San Francisco, bien sûr. Ah bon? Ouais. Oui. Et vous allez jouer où? Au lycée français. Ah d'accord. Mmh. En français, vous voulez dire? Oui. Ah d'accord. Alors, nous, on fait l'effort de traduire en français les comédies musicales anglaises et vous, faites même pas l'effort de traduire pour les anglais. D'accord. Ils se débrouillent. Bah bravo, ça sera quand? Février. Ouais. Très bien, on viendra vous voir. Petit clin d'œil. On referme ce cabaret 42e rue, Stéphane, avec... ben, la chanson qui clôt le spectacle de Company. Et alors là, j'ai quand même une question. Pourquoi vous ne l'avez pas traduite, celle-là? J'ai essayé de la traduire, en fait, et au bout d'un moment, j'ai traduit Être vivant, je l'ai retourné un petit peu dans tous les sens, et quand je suis arrivé à traduire Vivre vivant, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Il faut savoir renoncer dans la vie. Ah ouais? Et je pense que cette chanson est... intraduisible? Ouais, enfin, en tout cas, si on veut vraiment rendre justice à l'original, je pense que c'est quasiment impossible. Et puis, c'était l'occasion d'entendre en anglais aussi, un petit peu. On va lancer un appel, voilà. Si vous savez comment traduire « Being Alive » en français, dites-le nous, envoyez vos interprétations à Stéphane Laporte. En tout cas, l'histoire, à la fin, c'est que voilà, plein de désillusions, après avoir observé tous ses amis mariés en action, Robert reprend la parole en chanson. Et si je comprends bien la morale de l'histoire, il vaut mieux, peut-être, vivre mal à deux que tout seul. C'est le sens de cette chanson, Being Alive, Gaëtan Borg, accompagné au piano par Thierry Boulanger. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive, being alive. Somebody need me too much. Somebody know me too well. Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Mock me with praise. But alone is alone, not alive. Somebody crowd me with love. Somebody force me to care. Somebody let me come through. I'll always be there, as frightened as you, to help us survive. Alive, being alive, being alive. Gaëtan Borg. Being Alive, la chanson qui clôt cette comédie musicale Company de Stephen Sondheim de 1970. Un grand merci aux artistes présents ce matin en direct pour nous faire découvrir cette comédie musicale de Stephen Sondheim. On peut les applaudir. Cathy Arondel, merci. Merci aux coquettes, Lola Fess, Juliette Faucon, Marie Facundo. Merci Gaëtan Borg, Claire Perrault, Angélique Rivou, Isa Fleur, Olivier Bretman, Vanessa Cayol et Valérie Zakomer. Et puis merci à notre directeur musical Thierry Boulanger, qui qui en 2018 créera sa nouvelle comédie musicale énorme, écrite par Alissa Landry et Emmanuel Lenormand. Enfin, merci à Suzanne Sertier pour nous avoir autorisé à réaliser cette émission. Et la question, la dernière de l'émission, cher Stéphane, c'est alors, vous le montez quand à Paris, compagnie en français? Enfin, en septembre. À Paris ou... je vous dis ça à midi et quart. Pourquoi donc? Parce que mon téléphone sera rallumé à ce moment-là. Ça marche comme ça, c'est vraiment... C'est simple comme un coup de fil. Oui. Non, mais c'est que... Ça serait un rêve. C'est compliqué, oui. Ça serait un rêve. Ça serait un rêve, on peut, après tout, pourquoi pas, peut-être dans le subventionné, qui sait. En tout cas, vous avez aimé ou pas entendre Sondheim en version française? Dites-le nous, vous allez sur la page Facebook de 42e rue, sur notre Twitter, sur la page de l'émission... Et vous nous raconterez ce que vous en avez pensé. La programmation musicale aussi, vous la retrouverez sur francemusique.fr. Vous y étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin Éric Paringo, Steven Chardonnay, Jean-Michel Després, Julien Douminc, Julie Garraud, Amandine Grévaux, Dimitris Capolan et à la réalisation, Fabien Fleurat.